Suivez-moi, que j'aille un peu montrer mon habit par la ville. Et surtout, ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu'on voit bien que vous êtes à moi. Oui, monsieur. Appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Ne bougez, la voilà. Nicole. Plaît-il ? Écoutez. Mais qu'as-tu à rire ? Mais que veut dire cette coquine-là ? Comme vous voilà bâtie. Mais comment donc ? Quelle friponesse, là, te moques-tu de moi ? Nini, monsieur, j'en serais bien fâché. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur, je ne puis pas m'empêcher. Tu ne t'arrêteras pas ? Monsieur, je vous demande pardon, vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Mais voyez quelle insolence ! Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Je vous prie de m'excuser. Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien, monsieur, voilà qui est fait, je ne rirai plus. Prends-y garde bien. Il faut que pour tantôt, tu nettoies... Que tu nettoies comme il faut... Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle... Encore ! Oh, tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sou, cela me fera plus de bien. J'enrage ! De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Et si je te prends ? Monsieur, je crèverai si je ne ris. Mais a-t-on jamais vu une pandarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres ? Que voulez-vous que je fasse, monsieur ? Que tu songes. Coquine, a préparé ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Oh, par ma foi, je n'ai plus envie de rire et toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde ? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens.